Heute sprechen wir über die Kraft des Zwangs. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de la force. I don't know, you know, because the time has gone, we are going to, you know, but we will not go far today. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And it is under the radical. Radical for Christ. Ça fait partie du thème être radical pour Jésus-Christ. Remember Matthew 11, verse 12. It said the radical take it by force. Erinnert euch an Matthäus 11, Vers 12, dass die Radikalen es mit Zwang nehmen. Rappelle-toi à Matthieu qu'on avait lu que les gens radicaux le prennent des histoires à travers la force. And the radical also give it by force. They give it, they take it and they give it by force. Die Radikalen, sie geben und sie nehmen durch Zwang. Les gens qui sont radicaux, ils prennent quelque chose à par violence et puis ils donnent aussi les histoires par violence. Amen. Amen. The Satan say no, he's not tired. You are not tired either. Genauso. Amen. Wie ausdauernd der Teufel ist und wie nicht müde werden der Teufel ist, so bist du auch ausdauernd und nicht müde. Si le diable est capable de dire qu'il n'est pas fatigué à toujours à nous combattre, nous aussi en Jésus-Christ, on n'est pas fatigué à le combattre aussi. Force, you know, forces have a lot to do with power. Zwänge haben viel zu tun mit Kraft. Cette violence là, ça power. A beaucoup à faire avec avec la puissance. It has a lot to do with authority. Hat viel zu tun mit Autorität. Ça a beaucoup à faire avec l'autorité. It also have a lot to do with focus. Auch mit Fokus. Ça a beaucoup à faire avec notre concentration. Amen. Amen. Also repeating Christ to them. Repeating Christ to them. That's radical. Somebody that is, you know, radical also always, you know, you repeat. You are never tired of repetition. Oder auch wiederholen. Wenn du radikal bist, hast du es nicht satt, dich zu wiederholen. Are somebody get it? Répéter, quand tu es radical, tu n'as même pas. Tu continues toujours à te répéter. You keep on giving them Christ. Tu gives ihnen weiter. You're not tired of it. Tu continues à donner la parole de Jésus-Christ. Tu n'es pas fatigué. Because they have the right to say yes or no, but you keep on giving it to them. Sie haben das Recht, ja oder nein zu sagen. The radical is never tired. Der Radikal ist niemals müde. Parce que les gens ont le droit de rejeter la parole de Dieu ou de l'accepter, mais quand tu es radical, tu continues à parler. Amen. Amen. Remind them of Christ. Amen. Amen. If they have Christ already, even if you yourself, you have to keep on. If you are radical, you remind yourself of Christ always. Du musst auch dich selbst immer wieder erinnern. That's the radical. Quand on est radical, on doit vraiment rappeler les gens en extérieur s'ils ont Jésus-Christ, et on doit aussi se rappeler nous-mêmes aussi vraiment chaque fois qu'on a Jésus-Christ. They stay by the principle, which is believe Christ. That's the principle. Sie halten an dem Prinzip fest, dass sie an Christus glauben. Les gens qui sont radicaux, ils se servent avec le principe. Ils ont le principe qu'ils ont Jésus-Christ. Believe Christ that Jesus done it, that you have him already. Amen. An Christus zu glauben, dass es schon getan ist. Ils sont vraiment capables à croire chaque fois que Jésus-Christ, tout est accompli à travers Jésus. Believe Christ that you already have, you have him. You have him, and that is how you have your victory. Amen. Du hast ihn und so hast du auch schon deinen Sieg schon. Tu te rappelles que tu as Jésus-Christ et c'est à travers lui que tu as déjà ta victoire. It's not believing Christ that you are going to have the victory. You already have the victory. Glauben, dass du den Sieg haben wirst und glauben, dass du ihn schon hast. C'est pas que tu crois en Jésus-Christ et tu dis que parce que tu auras la victoire dans le futur. Non, tu crois que tu as déjà dès maintenant la victoire. Amen. Amen. Remind one another the will of Christ. That's the radical. Remind one another. Die Radikalen erinnern einander an Christus. Radicalement, on doit vraiment se rappeler l'un à l'autre qu'on a Jésus-Christ. And we are never tired of it. Und wir haben es niemals satt. Et on doit jamais se fatiguer. Look at 2 Peter 1, please. Could we go there? On va lire 1 Pierre. Praise the Lord. 2 Pierre, pardon. 2 Peter. De Pierre. Second Peter 1, verse 12 to 15. 2 Petrus 1:12-15. De Pierre 1:12-15. He said, "Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, Though you know them. Mm. Are you getting it? Mm. Voilà. Though you know them, but I'll keep on reminding you of them. Ouais, c'est ça. Bah, je vais te reminder. Il a dit, voilà pourquoi je ne cesserai pas de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez déjà. You know, sometimes you think you know that's what. Well, sometimes the Lord gives me a message to preach. I said they know them already. They know. They need a reminder. Amen. Amen. Manchmal gibt es Botschaften, die der Herr mir gibt, und ich sage, ey, das wissen die Leute aber schon. Aber er sagt dennoch, sie müssen nochmal erinnert werden. Quelquefois Dieu me donne un message et je me dis, mais mes enfants le connaissent déjà ce message et Dieu me dit que ils ont besoin d'être rappelés. Praise the Lord. Amen. Wherefore I will not be negligent. To put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. You get it then? Mm-hmm. The present truth, that is Christ. So established, the rooted in Christ. Believing. Vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attaché à la vérité qui vous a été présentée. Don't let anything tell you anything otherwise. Und du lässt dir das nicht ausreden. Amen. Faut pas vraiment, faut pas vraiment avoir des doutes. Yeah, I think it means as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance. You see it? Reminding one another. As long as I live. Juste de vous tenir en éveil par mes rappels. Donc se rappeler l'un à l'autre. Then in verse 14, he said, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ has showed me. It's Peter that is speaking here. Amen. Mm-hmm. Verse 15. Moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in remembrance. Amen. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme le Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. Peter said, though I know that you know them, but I will remind you again and again and again and again. Petrus hat auch gesagt, ich weiß, dass ihr es wisst, aber dennoch werde ich es immer wieder wiederholen. Pierre a dit que je sais que vous le sachiez déjà, mais je vais toujours continuer à vous rappeler. Go to Philippians 3, please. Philippa 3. On va lire Philippe 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippa 3. Praise the Lord. Alléluia. Philippiens 3, verset 1. Philippiens 3, verset 1. He said, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Are you getting it? Enfin, mes frères, so repeat and repeat. Learn to repeat. The radical. De repeat. Tout ce que je, le Seigneur, je, il demande. Write it again and again until it's sinking. En vous écrivant et pour vous, et pour vous cela est peut-être contribuer à votre sécurité. Erinnert euch immer wieder. Schreibt es auf, damit bis es in euch einsinkt. Keep on repeating Christ today. It's not I've told them before. No, no, no. You have told them. Today is another day. Du hast ihnen gesagt, aber heute ist ein neuer Tag. Toujours continuer à te répéter parce que tu les as dit hier. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Amen. Amen. You know, Peter fished all through the night. All the night. Amen. There was no fish. The next day, you have to repeat it. Jesus said, no, Christ was involved. Amen. The difference is Christ. Der Unterschied ist Christus. Par exemple, Peter... Pierre, il partait chercher les poissons et il n'a rien trouvé. Et un jour après, il a dû le faire encore, mais avec une différence, que c'était, il a fait ça la deuxième fois avec Jésus-Christ. Don't be offended in repeating it today. Don't be angry. Sei nicht wütend. Amen. Faut pas être offensé ou énervé quand tu répètes les histoires aux gens. Amen. Amen. You know, Christ is still knocking. At our door today, he's still knocking on, you know, that your door, your gate is knocking there. He wants to come in. He wants to help you to take decision. All the decision you always take. Amen. Jesus is never tired. Ist auch nicht müde. Er klopft immer noch an und will Teil jeder Entscheidung deines Lebens sein. Parce que même chez nous, Dieu, Jésus-Christ n'est jamais fatigué. Il vient toujours et continue toujours à frapper dans nos cœurs pour qu'on puisse lui laisser avoir accès à toutes nos décisions. Amen. Amen. What, you know, why do you keep on repeating today? Repeating Christ today. Because one is to bring them to Christ. The other one, there will be no excuse for them. Amen. Weshalb wiederholst du dich? Einmal, damit sie keine Ausrede haben und einmal, damit sie zu Christus kommen. Pourquoi tu te répètes toujours parce que comme ça, ils ne puissent pas avoir une excuse après. Because sometimes, you know, people hear, but they don't understand. They cannot get it. It's not the time you hear and understand are two different times. They hear it. You know, don't feel it. Just as you keep on repeating it, it's going to click. Wenn du es weiterhin wiederholst, wird es irgendwann Klick machen. Manchmal der Zeitpunkt des Hörens, der Zeitpunkt des Verstehens. Quelquefois, le temps pour écouter et le temps d'agir ainsi, ce sont des temps différents. Donc tu te répètes parce que un jour la personne va comprendre après. And even after they have received it and they got it, you know, you have to keep on repeating it to them. Und selbst wenn sie es akzeptiert haben, wiederholst du es. Reminded them of Christ. Même si les gens ont reçu et ils ont accepté, toi tu continues toujours à le rappeler. The Philippians, in the book of Philippians, Paul said it is safe to repeat. In Philippa steht, es ist sicher zu wiederholen. En Philippiens, on a lu maintenant que Paul il a dit que c'est vraiment sûr de répéter. Because there is no example of Christ outside. Ja, es gibt kein Christus da draußen. Parce que dehors, il n'y a pas un autre exemple de Jésus-Christ. And there is opposition that we want to abort it. Es gibt einen Feind, der das wieder abtreiben will. Et on a une opposition qui veut toujours stopper notre foi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There is force in Christ's kingdom. Es gibt einen Zwang im Königreich Gottes. Il y a une force, une violence dans le royaume des cieux. Amen. Amen. It is not beating or fighting one another. Nicht, dass man einander schlägt. Or beating your children. Il s'agit pas de frapper ou hurler. Oder seine Kinder schlägt oder sonstiges. Or using any satanic weapon. The press have his own weapon. That you use. Hat seine eigenen Waffen. Parce que ce monde a ses propres armes, mais Jésus-Christ aussi, il y a ses propres armes. Go to 2 Corinthians 10. Go to 2 Corinthians 10. On va lire 2 Corinthiens 10. 2 Corinthians 10. Verse 3 to 5. 3 bis 5. Talks about a carnal weapon. Da geht's falsche Waffen. Là, il s'agit des armes charnelles. He said, though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Amen. Leben sind wir, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Même si on vit dans la chair, on ne combat pas charnellement. Praise the Lord. Hallelujah. We do no war after the flesh. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. On ne combat pas selon la chair. We do not see your fornication, your lying, your stealing. We see you're not believing Christ. Wir sehen nicht deine Unzucht, dein Stehen oder dein Lügen, sondern wir sehen, dass du nicht an Jesus Christus glaubst. On ne voit pas la fornication que tu fais ou que les mensonges que tu dis. On voit que tu ne crois pas en Jésus Christ. C'est ça qu'on voit. Are you getting it? You know, seeing lying, seeing stealing, seeing fornication is walking the flesh. Weil wenn du stehst und all diese Sachen siehst, dann wandelst du im Fleisch. Parce que si tu continues à voir les mensonges, les fornications, là tu es en train d'agir dans la chair. That is what religion calls sin today. C'est ça que la religion Sünde nennt. Et ça, c'est censé que la religion. They see wearing trousers, a woman wearing trousers, c'est sin. Sie sehen, dass wenn eine Frau eine Hose anzieht, ist das eine Sünde. Long hair, man having long hair, c'est sin. dass ein Mann lange Haare hat. Amen. Pour eux, s'il agit toujours de l'extérieur, qu'une femme porte un pantalon, pour eux, c'est un péché. Their war is after the flesh. Ihr Krieg ist nach dem Fleisch. Leur combat, c'est selon la chair, c'est charnel. Our war is after the spirit, which is not believing Christ. That John 16. He said, the Holy Spirit will reveal, will help you to know what sin is. That sin is that you do not believe on me. Wir sehen das, was in Johannes 16 steht. Das ist das Problem, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Nous on voit ce qui est dans l'esprit, ce que nous dit en Jean 16, que le seul péché là, c'est qu'ils ne croient pas en Jésus Christ. Amen. Amen. It says for the weapons of our warfare are not carnal. You see that? Our weapon, we don't use carnal weapon to fight. We have a superior weapon. De Corinthiens 10:4, car les armes avec lorsque nous combattons ne sont pas simplement humaines. What kind of love? It's a weapon that we use to fight. Nous, par exemple, en esprit, l'amour de Dieu, c'est une armature qu'on a, les enfants de Dieu. Somebody hates you. He's using a carnal weapon to fight you. Si quelqu'un te déteste, par exemple, il utilise quelque chose, une armature charnelle. And you love them. If you love him with the love of Christ. Wenn du diesen Menschen liebst mit der Liebe von Christus. Et toi, par contre, quand tu continues à aimer la personne. You are fighting, but with a superior weapon. Kämpfst du mit einer stärkeren Waffe? I don't know if somebody's getting it. Toi, tu combats aussi la personne, mais avec une armature supernaturelle, parce que c'est l'amour. Lui, il te déteste quand tu l'aimes. He said, love your enemy. You are fighting with the love of Christ. You know, it's a superior weapon. It's a weapon, but it's the work of the people. Religion cannot understand it. They call you doom. They call you you're C'est une armature supernaturelle que lui nous a donnée. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That you are not fighting, but does not mean that you are not using a weapon to fight. Seulement parce que tu combats pas contre eux comme eux ils pensent que tu dois combattre, ça signifie pas que tu combats pas. Toi, tu utilises l'armature surnaturelle et c'est Jésus Christ, son propre amour. He said, somebody slap you on one hand side, giving the other side. Why? Because you know you're giving him the other side. You know. It's a weapon, you know, without Christ, you cannot even do that. And but you are fighting, but with a superior weapon. Genauso wie wenn du weapon steht, of dass, love. Wenn dich jemand auf die linke Seite schlägt, sollst du ihm die rechte zeigen. Das kannst du fleischlich gesehen nicht tun. Aber du tust das, weil es eine stärkere Waffe ist. Weil du damit Platz für den Heiligen Geist gibst, damit er für dich kämpft. C'est comme il a dit que si quelqu'un te donne une gifle dans la, gauche, dans la joue gauche, donne-lui la joue droite. Il dit ça parce que il sait que tendre l'autre jour, tu as besoin de Jésus-Christ pour faire une décision telle comme. Ça signifie que tu as une armature qui est supérieure que ce monde. You know how many times they always slap you on your place of work. They slap you. But you don't see that, see it as slap. They hate you. You know, they fight you, but for all, you still love them and pray for them. And they'll be there to give them Christ. You are giving them the other side to slap. Même quand tu es au travail, les gens te détestent, sont en train de te maudire, même au travail. Mais toi, tu es toujours là. Tu pries pour les gens, tu viens à l'église, tu dis on doit prier pour tel camp, que tu continues à prier pour eux et tu continues à leur donner la parole de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tu tends dans ce moment-là l'autre jour. Parce qu'ils te détestent, ils te tapent, et toi tu donnes l'amour. Look at how he describes our weapons here. Schaut euch an, wie er hier unsere Waffen beschreibt. Regarde comment il a décrit notre armature. It might sound nothing. It might look like nothing. Es schaut vielleicht aus wie peut-être ça ressemble à rien. With the superior weapon of Christ. Aber mach dich nicht, nimm die Waffen des Teufels, die Waffen von Jesus, nicht auf die leichte Schulter. Charnellement, ça semble à rien, nos armes, mais pour Jésus-Christ, c'est vraiment quelque chose très sérieux, important. He said, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty, true God, to the pulling down of strongholds. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Car c'est les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables à renverser des forteresses. He said it is mighty. Elles tiennent une puissance. It might sound stupid. It might look so not look like nothing, but it's mighty. The Bible calls it mighty. Naturellement, ça ressemble à rien aux armes. Naturellement, ça ressemble vraiment à rien. Mais spirituellement, elles tiennent leur puissance. Then in verse 5, it says, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Imagination, the war is over, but the battle is still in the mind. Und diese ganzen Vernunftsschlüsse, diese ganzen Vorstellungen, denn der Krieg ist vorbei, aber der Kampf, die Schlacht ist immer noch in unseren Gedanken. Ainsi que tous ceux qui se détestent présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonniers toute pensée pour la ramener à obéir à Christ. Praise the Lord. He said our weapons are mighty. Unsere Waffen sind mächtig. Nos armes sont puissants. He's telling you that there is power in Christ's world. Es steht, dass es Kraft gibt in der Welt von Christus. Ça signifie qu'il y a une puissance dans le monde spirituel de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ's world is your strength. Die Welt von Jesus Christus ist deine Kraft. Le monde de Jésus-Christ, c'est notre puissance. It may sound stupid to them. Vielleicht hört es sich für die dumm an. First Corinthians. Pour eux, par exemple, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Let's see something. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alleluia. Look at verse 18. Schaut euch Vers 18 an. He said, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. 1 Corinthians 1:18. Are you getting it? Yes. The message, Christ's word is to them that perish foolishness. Mm. But unto us which are saved, it is the power of God. Okay. It is mighty. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se repentent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Amen. There's power in Christ's word. Cette kraft de Welt von Christus. Il y a une puissance dans le royaume de Jésus. It might sound like nothing. Vielleicht hört es sich an wie nichts. Ça semble à rien. It might look so small. Sieht so klein aus. Ça s'écoute vraiment. But it is a container. Aber es ist ein Behälter. Mais c'est comme un container. Are you getting something? It is so mighty. Es ist so mächtig. C'est puissant. And that's why when you pray, don't underrate it. Deswegen, wenn wir beten, unterschätzt deine Gebete nicht. C'est pour ça, c'est pour cela, il faut jamais sous-estimer nos prières. You know, in Luke 17. Lucas 16. Let us go there. We go to it one after the other. Luke 17. Luke 17. Praise the Lord. On va lire Luke 17. You know, it might look like nothing, but it's something. Es sieht vielleicht aus nach nichts, aber es ist etwas. Ça semble peut-être à rien, mais c'est quelque chose de vraiment puissant. 1 to 5. Lucas 17, 1 bis 5. Luc 17, 1 à 5. Praise the Lord. Alléluia. And that's why, you know, when you pray the prayer of salvation, you don't know how mighty it is. See, when we das Errettungsgebet beten, wissen wir gar nicht, wie machtvoll das ist. Are you getting it? Même quand on prie la prière d'être sauvé, quelquefois on ne se rend pas compte quelle puissance. Because man is so blind. Denn der Mensch ist so blind. Can't see nothing. Parce que l'être humain est vraiment They cannot see the spiritual world. Sie Sie sehen die geistliche Welt nicht. Il n'est pas capable à voir le monde spirituel. You cannot see, they cannot see the Christ in their spirit. Sie sehen Christus in ihrem Geist. Ils sont pas capables à voir Jésus-Christ dans leur esprit. You cannot feel it. You cannot, you smell it. You bet it's there. Du kannst das nicht riechen, hören oder sehen, aber es ist da. Ils ne peuvent pas sentir Jésus-Christ ou bien le toucher, mais il est là. So also is prayer and baptism of the Holy Ghost. Genau, das ist auch mit dem Gebet für die Taufe des Heiligen Geistes. Et c'est la même chose avec être baptisé du nom de Jésus. So mighty. So mächtig. C'est aussi vraiment puissant. So mighty. Es ist so mächtig. Look at Luke 17, verse 1. Luke 17, 1. He said, then said he unto the disciples, it is possible, but that offense will come, but woe unto him through whom they come. It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, I'm coming, Shad. Yeah. Verse 3. Take heed of yourself. If your brother trespass against him, rebuke him. And if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 70 times a day, and 70 times in a day, turn again to thee, and saying, I repent, thou shalt forgive him. And the apostle said unto the Lord, increase our faith. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Mieux vaudra pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute d'un de ses petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, repens-le-t-il? S'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard, cette fois au cours de la même journée, et que cette fois il vienne de trouver en disant, il change d'attitude, pardonne-lui. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. He said, increase our faith. Quand ils ont écouté ça, ils ont dit, Dieu augmente notre foi. Look at Jesus' reply. Look at the answer from Jesus. From verse 6. And the Lord said, if you have faith as a grain of mustard seed, is somebody getting something here? Are you understanding? He said, if your faith as little as it is, wenn euer Glauben so klein wäre wie ein Senfkorn, a mustard seed, he compares faith to a mustard seed. It's as small. Because, you know, the natural world is nothing. In the natural world, it's so small. Jésus a dit, si vous aviez la foi, répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouviez commander à ce que le mûrier là obéit. Here, Jesus is saying that it's not about big faith. It's about pure faith. Are you getting it? Es geht nicht darum, dass du einen großen Glauben hast, sondern einen kleinen Glauben. Jésus-Christ lui dit ici qu'il ne s'agit pas d'une foi qui est grande. Il dit que ça doit être une foi qui est grande. Undiluted faith. Ein unreinigter Glaube. Faith that is not, your internet is not fighting it. Till your five senses cannot penetrate. That's the faith, you know. The faith can be so. It's not talking, it's not a big faith. It's a pure faith. Es geht nicht um großen Glauben, sondern reinen Glauben, donc, unverwässerten Glauben. Il ne s'agit pas d'une foi qui est grand ou supérieure à je ne sais pas qui. Ça doit être une foi qui est vraiment pure, qui n'est pas facile à détourner. Yeah, you know, the disciples said, make our faith bigger. Jesus said, you don't need big faith. Die Jünger haben gesagt, mach unseren Glauben größer, aber Jesus sagt, du brauchst keinen größeren Glauben, du brauchst einen reinen Glauben. Les apôtres ont dit, Dieu fait, donne-nous une foi qui est plus grande, mais eux, ils ont dit, vous n'avez pas besoin d'une grande foi, vous avez besoin d'une foi qui est pure. If you had a faith as a grain of mustard seed, you might say unto this sycamine tree, be thou plucked up by the roots, and be thou planted in the sea. and a shoe obey you. Are you getting something here? The problem is unbelief, doubt and fear. Das Problem ist Unglauben, it's not the Zweifel. I don't know. Le problème que les enfants de Dieu ont avec leur foi, c'est le, leur doute envers Jésus-Christ, leur peur envers Jésus, peur envers ce monde et qui ne croient pas en fait, l'incroyance. If you read here we tell you a lot of things. Look at verse 7. Verset 7. It says that which of you having a servant plowing or feeding cattle, we say unto him, by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat. And we no rather say unto him, make ready, wherewith I may sup and gild the self, and serve me till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink. Do verse 9. Don't he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not. So likewise you, when you shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servant. We have done that which was our duty to do. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if you understand here. Amen. There are a lot of things here. No need to read this chapter because of time. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, here tell us that it's not about reading from Genesis to Revelation. Hier geht es darum, dass es nicht darum geht, von 1. Mose bis Offenbarung zu lesen. Ici, ça nous fait voir que il ne s'agit pas de lire la Bible de A à Z. It's about allowing him, his word to speak to you. Sondern es geht darum, dass sein Wort zu dir spricht. Mais il s'agit de laisser que sa parole puisse parler en nous. I don't know if you get it. Praise the Lord. You use the little you have. Abraham was only having 5 words. Du nutzt das kleine, was du hast. Abraham hatte nur 5 Worte. Use it very well. Tu utilises seulement le peu que tu as. Okay, I'm showing 6. No. Praise the Lord. Abraham, par exemple, lui, il n'avait que 5 paroles à quelles il devrait obéir. Praise the Lord. Il n'avait pas toute une Bible comme nous, par exemple. We go there later. Amen. On va y aller après. Amen. Amen. Look at. Go to Matthew 13. Matthieu 13. On va lire Matthieu 13. Praise the Lord. Alléluia. Please mark that place. That place, go and read it again at home. Amen. On doit le marquer. Yeah, we just read. Matthew 17. Matthieu 17. 1 to the end. Amen. À 17? Yeah. Matthieu 17. Yeah, sorry. Luke 17, the first one. Write it so that they read it at home. Amen. Okay. Donc, lisez à la maison Luc 17, mais maintenant on va partir à Marc 13. But now, Matthieu 13, please. It's Matthieu 13. Verse 31. 31. Jesus, he used mustard seed a lot. Jesus hat dieses mustard seed. Senfkorn sehr oft benutzt. You know, because people see prayer as nonsense. Leute sehen Gebet als nichtig. Your believing is over. Glauben uns reicht. Les gens pensent que croire et ou prier ça suffit. You know, they always see Jesus of Christ as, you know, because you cannot feel it, you cannot hear it, you cannot smell it. You know, the 5 senses, there is nothing to show for it. It means it's as if there's nothing is working. Menschen unterschätzen die Dinge von Jesus, das Gebet, das Sprechen und sie sehen es als, das funktioniert eh nicht, man sieht keine Ergebnisse, nichts verändert sich. Les gens sont en train de sous-estimer les prières ou la parole de Dieu parce qu'eux ils disent oui, mais ça ne change rien. Then look at verse 31 of Matthew 13. On va lire. He said, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. So small, it's almost nothing. It's so klein, es ist fast nichtig. Ici, il utilise encore la graine de moutarde encore comme exemple. Il a dit, malgré c'est petit, mais c'est vraiment puissant. The Bible calls it mighty. Die Bibel nennt es mächtig. La Bible l'appelle puissant. Amen. Then in verse 31, 32, I mean, he said, which indeed is the least of all seeds. Das kleinste von naturally, people see it as nonsense, as nothing. Gesehen, it's foolishness unto them. Es ist no one wants to receive it today. No one wants to accept dans it. Verset 32, no one wants to believe it. C'est la plus petite de toutes les sémences. It's the least. La plus petite. C'est comme ça les gens naturels voient aussi les prières et la parole de Dieu. No one, you know, no, go to all this new, you know, all of them, news. Where they are broadcasting news. You know, you never hear of Christ. Schau dir die Nachrichten an, niemand will über Jesus was hören regarde, oder sprechen. Regarde la télévision aujourd'hui, il n'y a personne qui parle de Jésus-Christ. He said, which indeed is the least of all sins. But when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Praise the Lord. Alleluia. C'est la plus petite de toutes les sémences, mais quand elle pousse, elle dépasse toutes les autres plantes. The kingdom of heaven has a grain of mustard seed. Das Königreich des Himmels als ein Senfkorn. Le royaume des cieux comme une graine de moutarde. You know, your prayer is like a grain of mustard seed. Dein Gebet ist auch wie ein Senfkorn. Même nos prières sont comme des graines de moutarde. Your worship in Christ, your relationship with Him, your praising Him. Deine Anbetung. It's like a grain of mustard seed. Sometimes you just dance and just say something. Même nos danses envers lui. Nos prières. The Lord Himself is dancing with you. Es ist mächtig und der Herr selbst. The angels are joined. They join you to dance. Amen. Amen. Elle ressemble à une graine de moutarde like quand on est en train de faire des adorations envers Dieu. Mais les anges sont avec nous. C'est puissant. Praise the Lord. Alleluia. Your relationship with Christ. And with one another, it's like a grain of mustard seed. Notre relation it might look like nothing, but it's mighty. Notre relation l'un vers l'autre, c'est comme la relation avec Jésus-Christ. Ça semble être petit, mais c'est vraiment foolish. Grand. It might sound foolish. Es hört sich vielleicht dumm an, in Französisch. Même notre parler en langue. Ça semble être bête. People make fun of you. Und Leute machen sich vielleicht über dich lustig. Les gens peuvent se moquer de toi. But the Bible said it is mighty. La Bible sagt, es ist mächtig. Mais la Bible dit que c'est puissant. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And that's why you know I have to choose. Either you choose them or you choose Christ. C'est pour ça que je me suis entscheidé. C'est pour cela on doit se décider, on doit you choisir. Better choose Christ. Entweder glaube ich ihn oder Christus. Ou Jésus-Christ ou les gens de ce monde. Your blessing the ministry. Die Gemeinde zu segnen. Like a grain of mustard seed. Ist wie ein Samen. Même quand on donne à l'église, on donne nos offrandes, c'est aussi comme une graine de moutarde. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. You might even value your house rent more than it. But it's mightier. Vielleicht ist dir sogar deine Miete zu bezahlen wichtiger als das Haus Gottes zu geben, weil das Geben ist dennoch mächtig. Même si quelquefois pour toi peut-être c'est un plus important de donner de payer ton loyer que donner à l'église, mais donner à l'église c'est plus puissant. You know, some of us we don't, you know, if we okay, you know, if we did not bless the house of Christ, the ministry, we don't even bother. But if we don't pay our house rent, we bother. Eine von uns, wenn wir unsere so you can see where your heart is. Miete nicht bezahlen, ist es für uns ein richtiges Problem. Wir machen uns jetzt darüber Gedanken und suchen nach einer Lösung. Aber wenn wir nicht in die Gemeinde geben, passiert das eben halt. Quelques d'entre nous peut-être, elles se disent, oui, c'est un plus important de donner, de payer mon loyer que donner à l'église. Can you see what the Bible says? Said out of Christ is mightier. It's mighty. It might look like a grain of mustard seed. Das von Christus mächtiger. Mais la Bible dit que donner celui de Jésus-Christ est plus puissant. Amen. Amen. Everything in Christ's world is as a grain of mustard seed. Alles im Königreich von Christus wie ein Senfkorn. Tout ce qui est dans le royaume de Jésus-Christ, ça ressemble à une graine de moutarde. The time you spend with Christ is as a grain of mustard seed, but it's mighty. Amen. Die Zeit, die du mit Christus verbringst, ist wie ein Senfkorn. Même le temps qu'on utilise à être dans l'assemblée de Jésus-Christ dans l'église, c'est aussi puissant. It's mighty before him. Es ist mächtig vor ihm. C'est puissant devant Jésus-Christ. You know, call that man, mighty man of valor. Amen. Mighty man genannt. Use this word. The Bible uses this word mighty a lot. Mighty. La Bible utilise beaucoup cette parole puissance. Praise the Lord. Hallelujah. A little drop of water make a mighty ocean. Become a mighty ocean. Amen. Ein diese Tropfen von Wasser, die zu einem riesigen Meer irgendwann werden. Il dit aussi un petit goût de l'eau qui devient même qui est capable de devenir une grande une mer, un lac, un océan. Everything there, they are all like a grain of mustard seed. Alles ist wie ein Senfkorn. Tout dans Jésus-Christ est comme une It's graine de mustard. It's foolishness unto the world. Es ist Dummheit für die Menschen. Pour le monde, c'est vraiment fou. You know, you're blessing the ministry. People say, "Are you in there? Are you there? Are you? What are you doing?" But he is mighty before Christ. Dass du in die Gemeinde gehst, Leute lächeln das vielleicht oder finden das verrückt und fragen sich, schuldest du den Geld oder weshalb gibst du da rein? Aber du weißt, weshalb du das tust. Même pour même quand tu donnes à l'église, il y a des gens qui sont capables de te demander, est-ce que tu as des dettes à l'église? Mais pour devant Jésus-Christ, c'est quelque chose de vraiment puissant. You know, people might even ask you, why don't you be saving the money? You know, that money could have been big by now. After years upon years upon years of blessing the ministry, blessing Christ. After years upon years. Why don't you be saving that money and be using it? But Jesus said, you know, your being there for him is mighty. It's mighty. It's not your saving it into account that it's your call mighty. You're being there for him. Leute sagen vielleicht das ganze Geld, was du in die Gemeinde gegeben hast, über die Jahre hättest du ansparen können, dann hättest du jetzt ein großes Vermögen. Aber das sieht Jesus Christus nicht als mächtig, das sieht er nicht als Reichtum an. Mm. No? Er sieht als mächtig an, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Même il y a aussi des gens qui vont te dire que pendant tout ce temps que tu donnes à l'église, là, cet argent que tu donnais depuis, tu pouvais même utiliser ça pour acheter une grande maison, quelque chose comme ça. Mais devant Dieu, lui, pour lui, il voit ça plus grand que tu lui donnes ça parce qu'il voit que tu es, ton obéissance envers lui, c'est plus grand que tout le matériel qu'on peut avoir dans ce monde. You know, people have savings, they die. But believing Christ said, you never see death. Leute haben Ersparnisse und sterben und lassen diese Ersparnisse zurück, aber bei Christus, dieser Glaube, der stirbt nicht aus. Il y a des gens qui font des économies et puis ils continuent à mourir. Mais nous, en Jésus-Christ, même si on meurt, on a toujours notre Jésus-Christ et ça vaut la peine à tout donner en lui. Allow your way to be with Christ. Weißt du, dass dein Reichtum bei Christus ist? On doit vraiment laisser que notre richesse soit en Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, if you compare yourself to somebody, well, with somebody that has been saving years upon years and saving money, and you are blessing the ministry years upon years, and you might not see it as something, you know, you say, what is it? You know, and when that person tells you how much he has, you know, you can have money and not even enjoy it. Are you getting it? Es nicht genießen. Tu peux même être capable d'avoir de l'argent et ne pas te jouir. People that die, de cet argent. They have account. Leute, die gestorben sind, haben ein Konto gehabt. Il y a des gens qui sont morts. They will have money more than you. Dans ce compte. Ils ont mehr auf dem Konto. Ils ont même plus d'argent que nous, mais ils sont morts. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. No money can protect you. Kein Geld kann dich beschützen. Aucun argent de ce monde peut nous protéger. If not, those, the rich man and Lazarus, that rich man could have not died. Could have still be alive today. Sonst wäre dieser reiche Mann immer noch am Leben heute, aber er ist gestorben. Sinon, l'homme riche qui était avec Lazare, il allait être toujours en vie jusqu'à la Lazarus is alive. Aber Lazarus lebt. Er ist gestorben. Mais Lazare, er lebt. Amen. Mais Lazare, lui, malgré qu'il était pauvre, il n'avait vraiment rien dans ce monde. Il est toujours en train de vivre. Tell the whole world and give me Jesus. Jesus. Prends tout le monde, mais donne-moi Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You want to say something? Yeah, the good master. Der gute Meister yeah. Und der reiche Mann. Praise the Lord. Es gibt ein anderes Wort sozusagen. You know, that's what Jesus said. Das sagt Jesus. He said, so that we have wealth in heaven. Damit wir Reichtum haben im Himmel. Jesus Christ in Mark 10. He said, go and sell everything, give to the poor, so that you come and join me, so that you can follow me, so that you have account in heaven. There is, you know, our economy is not economy of this world, but economy of heaven. Unsere Wirtschaft ist die Wirtschaft dieser Welt. Heaven has its own economy. Amen. Der Himmel hat seine eigene Wirtschaft. Jésus Christ dit que notre économie, c'est pas l'économie de ce monde, c'est une économie qui est dans notre royaume des cieux. Amen. Amen. I don't want to go there. Amen. Let me... Praise the Lord. Amen. Amen. Yeah, it's true. The Bible will question it, but the witches and wizards will confirm it. Yeah, they confirm it. Yeah, the witches and wizards, all these money rituals. They have accounting. Their money is not coming from here. It's coming from somewhere. But for us, we don't live in the kingdom. We don't know how to do things there. Und Satanisten und Menschen, die einen Pakt haben mit dem Teufel, wissen, dass es eine geistliche Welt gibt, in der man auch ein Konto sozusagen hat, auch Besitz hat. Aber wir Kinder Gottes, wir glauben das nicht und unterschätzen diese geistliche Welt. Il y a même des féticheurs qui sont en train de confirmer que eux-mêmes étant féticheurs, étant les enfants du diable, ils ont leur économie dans le monde, dans leur monde spirituel. Mais nous, les enfants de Dieu, malgré la Bible nous explique ça, on ne comprend pas toujours. You know that rich man, you know that man that God said, and the master said, come and give me your account. When Jesus praised the man, he said they know how to live in their world. Like his children, they don't know how to live in my world. My children don't know how to live in my kingdom. Die Menschen dieser Welt wissen, wie sie in dieser Welt sich durchschlagen, wie sie dort leben. Aber seine Kinder kennen das Königreich nicht. Sie kennen das System von Christus nicht. Même Jésus-Christ a dit que les fils de ce monde connaissent comment vivre dans leur royaume. Mais moi, mes enfants qui m'appartiennent, eux n'ont pas toujours compris comment vivre dans le royaume des cieux. They save in the sparkasse here. Sie sparen hier auf dieser Bank, aber es gibt noch eine andere Bank. Ils sont en train de te faire des économies dans leur banque mondaine, mais ils ne comprennent pas qu'on a aussi un monde surnaturel aux cieux. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Let us continue. Amen. Again, there is power in Christ's world. Es gibt Kraft in der Welt von Christus. Il y a une puissance dans le monde de Jésus-Christ. Christ's world is a container. Die Welt von Christus ist ein Behälter. Le monde de Jésus-Christ est un container. The Bible calls it a seed. Die Bibel nennt es einen Samen. La Bible appelle une Christ himself is a seed. Christus ist ein Same. Jésus-Christ lui-même, il est une graine. It's a seed. Er ist ein Same. Il est une graine. And that's why he has to plant himself so that to receive us. Deswegen musste er sich selbst pflanzen, um uns zu retten. C'est pour cela il a dû lui-même se planter lui-même comme ça en plus pour le recevoir. He said we are saved by incorruptible seed. Wir sind errettet durch einen unvergänglichen Samen. Dieser unvergängliche Samen ist Christus. Amen. En 1 Pierre 1, il est écrit qu'on est sauvé à travers une graine qui ne s'abîme jamais. He said until a seed goes into, you know, a seed die, cannot multiply. Erst wenn der Samen stirbt, kann er sich vermehren. Donc, une graine doit d'abord mourir avant de se multiplier. Praise the Lord. He was talking about himself. Et là, il parlait toujours de lui-même. Parce que lui, il est Jésus-Christ qui est mort pour se multiplier. All seeds are container. Jeder Samen ist ein Behälter. Chaque graine est comme un container. And they have womb. Und sie haben einen Schoß. Okay. Womb. Ein Schoß. Ils ont un... Womb. And that is why in seed there is always fruit. Deswegen in einem Samen ist immer eine Frucht. That is going to come out. Are you getting it? C'est pour cela dans un grain il y a toujours un fruit qui doit sortir. Praise the Lord. When you plant one, there's no one that is going to come out. He said the fruit of the spirit. There's no one. Joy, peace, all kind of everything. They are in the food, they are in Christ, the seed. Und diese Frucht ist nicht nur eine, es sind mehrere, genauso wie die Frucht des Geistes. Es ist nicht nur eine, sondern es sind mehrere. Et dans ce grain, et dans le grain là, il n'y a pas seulement un fruit, il y a beaucoup de fruits comme la Bible dit, il y a plusieurs fruits. In John 6:63, Christ said, "The word that I speak unto you, their spirit, their life." In Johannes 6:63 sagt Jesus Christus, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Le, dans Jean lui-même, il a dit que les paroles que je vous dis, que je vous donne, ce sont la vie et c'est l'esprit. Moses' words is not spirit and life. And Moses did not claim it to be so. Von Mose. Did not even claim it to be so. Sind aber nicht Geist und Leben. Mais la parole de Moïse, c'est pas l'esprit et la vie. Und Mose hat es auch nicht behauptet. The Ten Commandments is not spirit and life. Die Zehn Gebote sind nicht Geist und Leben. Going after them, obeying them is not spirit and life. It is obeying, believing Christ that is spirit and life. Les dix commandements, ce ne sont pas l'esprit et la vie. C'est obéir Jésus-Christ qui est la vie et l'esprit. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Christ's word is a seed. Die Welt von Christus ein Samen. Le monde de Jésus-Christ, c'était un grain. The seed is a spirit. Und dieser Same ist Geist. Et cette grain, c'est un esprit. And then there are this fruit of the spirit. Und es gibt eine Frucht des Geistes. Et puis il y a encore une fruit de l'esprit. His word is seed. Sein Wort ist dieser Same. Sa parole, c'est un grain. And this seed is a spirit. Und dieser Same ist Geist. Et ce grain-là, c'est un esprit. And in it is this fruit of the spirit. Und in diesem Samen ist die Frucht des Geistes. Et dans ce grain-là, il y a le fruit de l'esprit. Again, Galatians 5:22 and 23. In Galata, your kind of everything. 22 et dans les fruits là, on voit ça dans le Galate 5. Amen. God kind of love, God kind of joy, peace, faith, long suffering, patience. God kind of patience. Donc, la patience, l'amour, donc les fruits de l'esprit qui est cité là-bas. Where the Holy Ghost is working for you, and not man working for you. In dieser Frucht arbeitet der Heilige Geist für dich und nicht du selbst für dich. Dans ce fruit-là, c'est le Saint-Esprit qui travaille pour moi. What kind of action? Pas l'homme. Amen. Mm. It's one of the fruit. Auch Gottes Art von Handeln. Donc l'action, la manière de travail de and Dieu. And what kind of force? It's one of the fruit. Und genauso auch Gottes Zwang ist da auch dabei. Et la manière de Dieu de forcer sa puissance. And God kind of result is one of the fruit. Auch Gottes Resultat ist eine Frucht. Même le résultat de Dieu lui-même, c'est un de ces esprits-là. Praise the Lord. Alléluia. God kind of result means it doesn't matter pass or fail. What man call fail. Und die Resultate von Christus, es ist egal, was der Mensch bestehen oder durchfallen nennt. Et dans le résultat de Jésus-Christ, ça n'a pas l'importance où on a une victoire ou pas naturellement. Also, God kind of prosperity, God kind of success, they are all the fruit of the Spirit. Genauso wie Gottes Reichtum. It's not success that is, not all success that is coming from the fruit. Denn nicht jeder Erfolg kommt vom Geist. Are you getting it? Yeah, même dans l'esprit, dans le fruit de l'esprit, il y a aussi la victoire de Jésus-Christ lui-même aussi. And all these fruits, they are all supernatural fruits. Und all diese Früchte sind übernatürlich. Et tous ces fruits-là, ce sont des fruits surnaturels. The fruit of the Spirit. You know Galatians 5:22 and 23. They are non-natural fruits. 22 à 25. Die Frucht des Geistes ist nicht natürlich. Et les fruits de l'esprit, c'est pas naturel. I want us to go there. Galatians, please go there, please. On va le lire. Galatians 5. I see the fruit of the Spirit. Pour voir les fruits de l'esprit. Praise the Lord. Galatians 5:22 and 23. Galatians 5. It's about the fruit of the spirit is love, joy, peace. Remember, Christ said, "The word that I speak unto their spirit, their life." Do you see it? Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. L'aimabilité, la bonté, la fidélité. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. There's no law against it. There's nothing against it. La douceur, la maîtrise de soi, la loi ne condamne cette, ne condamne cette pas de telles choses. Donc la, la loi ne condamne jamais ces fruits. Diese Frucht sollen wir bringen. Et ces fruits là, c'est ça que on doit faire voir dans nos vies. Praise the Lord. Alléluia. They are supernatural fruits. Il y a des fruits sur, ils sont des fruits surnaturels. Amen. Amen. Supernatural action. Übernatürliche Handlung. Ce sont des actions surnaturelles. The supernatural success. Übernatürliche Erfolg. C'est un succès. Supernatural blessing. Supernatural, you know, prosperity. You know, he called Joseph a prosperous man. That's supernatural. Er hat Joseph einen reichen Menschen genannt. Il a appelé Joseph un homme prospère, non, qui est riche aussi, malgré il n'en avait pas encore. Et ça, on voyait que c'est quelque chose de surnaturel qu'il disait. You know, Joseph did not need to fight and fight and fight to have it. Are you getting it? Don't believe. Er hat einfach nur geglaubt. Amen. Und relax. Und hat sich zurückgelehnt. Joseph n'a pas dû combattre pour avoir tout ce qu'il avait. Il a juste, il était juste relaxé. Il a juste eu la foi en son Dieu et il a eu tout ça. I'm not fighting to solve it. To solve, I must solve it. I must have that dream that I dream of. I must have it. That dream must come to pass. You know, he never mentioned it any longer. Il était si concentré en Jésus-Christ qu'il ne voyait même pas qu'il n'était pas derrière tout ce que ce qu'il voyait. Donc si tu te concentres au résultat, tu n'es pas radical, là tu es charnel. The problem is controlling you. You are not in control. The law is supposed to be in control. Là, c'est le problème. You never allow him to be in control. Du lässt es zu, dass er in Kontrolle ist. Fight him to get it from him. Amen. Du kämpfst darum, es zu bekommen. Là, c'est le problème qui te contrôle. Tu ne laisses pas que Dieu t'aide à avoir ce qu'il t'a promis. You get it. Amen. From prison to prime minister. Can you see? Il était du, il you venait walk du while you sleep, while you rest, while you just all you need from you is to believe me. Believe me that Parce once you dream it, once I say it, your dream is that he said it. Mm. Once he said it, it's over. Amen. Wenn er es gesagt hat, dann ist es vorbei, verbracht. Parce que notre travail, c'est d'avoir sa, notre paix like en Dieu. Parce que nous, pendant qu'on est en train de, pendant qu'on est en train de dormir, c'est Dieu qui est en train de travailler. We have a long dream. Yeah. Amen. On doit avoir. Christ is my dream. Amen. Christ is my dream. Christ is my dream. On ne doit pas avoir des rêves comme, on doit pas avoir des rêves comme, comme Joseph. On ne doit pas continuer à lutter. J'aimerais bien avoir un rêve qui me fait voir ça. On doit seulement croire en la, dans la Bible, avoir la foi en Jésus-Christ. Comme Joseph. Quelques d'entre nous voudra bien avoir un rêve comme ça, être derrière ça. Et toujours appeler à Dieu, oui, mais j'avais ce rêve, j'avais ce songe. Mais si tu es toujours derrière ce rêve que tu avais, ce rêve-là va fuir, va oui, fuir de toi. That's why, you know, God, Satan is not even bothered when God reveals things to you. The devil doesn't bother him because he knows that the flesh we are going to do. He is going to guide and direct you what to do. That's Satan. Dem Teufel ist egal, ob Jesus dir Sachen offenbart, denn er weiß, dass da immer noch genug Spielraum ist für ihn, dass du es auf seine Weise machst und ihm dann am Ende doch in die Hände verfällst. Le diable, lui, il est pour lui, ça n'a pas d'importance que Dieu puisse te révéler quelque chose, parce que lui, il sait qu'il y a beaucoup, il peut encore, il a encore de l'espace pour te donner ses histoires dans sa propre manière. He reveals something to Joseph. But how Joseph is going to have it? It will come from him. Amen. Amen. And not from Satan. Amen. That you might reveal your husband, your wife to you. But how to go about it should come from him also. Mm. not from you, not from the flesh, not from looking at others, how others got it. Und are you getting it? Der Herr kann dir sagen, wen du heiraten sollst, aber du lässt nicht zu, dass du das auf die fleischliche Art und Weise machst, sodass du das so machst, wie der Teufel dich dazu verführt, es zu machen, sondern du lässt dich vom Heiligen Geist leiten und bleibst weiterhin auf seiner Spur, damit diese Offenbarung nicht nur von ihm kommt, sondern auch der Weg dorthin von ihm ist. Même si Dieu te révèle quelque chose, faut pas vraiment laisser que le diable puisse te donner la manière laquelle tu dois le faire à l'obtenir. Tu dois toujours faire confiance à Dieu que lui il te donne, il te fait voir la manière laquelle il veut que tu puisses, qui va te guider à l'obtenir la chose. Donc c'est pas la manière du diable, c'est la manière de Dieu. And I say, you know, Satan again does not bother about Christ revealing something to you. He knows that they don't know. They say he knows that you don't know Christ's ways. Der Teufel weiß, dass du die Wege von Jesus nicht kennst. That you are used to his own way. Du bist gewöhnt an seine Wege mehr. Dieu, le diable lui-même ici aussi que même si Dieu te donne quelque chose, mais je te connais, tu es toujours habitué à suivre ma manière de faire des histoires. Donc ça lui même c'est même pas important pour lui que Dieu te révèle quelque chose parce qu'il sait que tu l'obéis toujours à sa manière. Er kennt die weltlichen Leute, die du als Vorbild siehst, indem du dessen Fußstapfen treten. Il connaît même tes idoles. Il sait que les gens que toi tu aimes bien, et il sait comment ils ont fait ils ont obtenu leurs résultats et que tu apprécies. Supernatural action, supernatural law, supernatural force. Übertürischer Zwang. It is coming from God kind of seed. Es kommt von Gottes Samen. Which is the spirit of life. Et toutes les histoires qui sont surnaturelles, ça vient. Toutes les histoires qui sont surnaturelles, ça vient du grain de Jésus-Christ qui vient à travers sa parole qui est vie et esprit. What kind of faith is not a natural faith? Gottes Glauben ist kein natürlicher Glauben. La foi de Dieu, c'est pas une foi naturelle. You can never believe Christ with the natural faith. Du kannst Christus nicht glauben mit der natürlichen Glauben. Tu peux jamais croire en Dieu avec la foi naturelle. It is the supernatural faith to believe in. Es braucht den übernatürlichen Glauben, ihm zu glauben. Tu as besoin d'une foi surnaturelle pour le croire. You know, remember the woman with issue of blood. Her faith was not the natural faith. Erinnert euch an die Frau mit dem Blutung. Ihr Glaube war nicht natürlich. Comme par exemple la femme avec la perte du sens. Sa foi, c'était pas naturel. And that is why the force was not a natural force. C'est vrai, dieser Zwang nicht natürlich. C'est pour cela, cette force et cette puissance qui est pas aussi naturelle. Well, natural effect. You know, if you really believe, there is the supernatural force that follow your faith, that move with your faith. Es gibt eine That supernatural force will blind you from all five senses. That's why that woman was able to move. Dieser übernatürliche Glaube wird dich von den fünf Sinnen sozusagen fernhalten und dann kannst du es auch bekommen. On doit comprendre que la foi surnaturelle est toujours accompagnée avec la violence de Dieu et cette violence va t'aider vraiment à enlever tes yeux de cinq sens pour continuer à avec la persévérance dans cette foi-là. You know, with the natural faith, she will be worried about what people are going to do to her, what they are going to say, how they are going to laugh at her, and making fun of her. Amen? Amen. That is the natural faith. But the supernatural faith blinds you to those things. You cannot see that there is a supernatural force that moves you to. Blendet dich sozusagen, macht dich blind für die fünf Sinne, für die Dinge, die die Welt erachtet, die die Menschen sehen. Und deswegen konnte diese Frau auch ohne sich zu schämen, ohne Angst zu haben, einfach da durchkrabbeln und bis zu Jesus kommen. Donc, cette foi surnaturelle, ça va t'aider à être aveugle pour le cinq sens, pour le monde naturel. Et c'est pour cela que cette âme-là a été capable de partir vers Jésus-Christ sans voir ce qui est gauche ou droite. Avec persévérance, elle a continué à voir le but qui était Jésus-Christ. With the natural face, you will be occupied with what people are going to say, how they are going to laugh at you, how they are going to see you. With the natural faith, you will be occupied with, you know, with fear. Fear of people. Mit dem natürlichen Glauben wirst du Angst haben von den Leuten, für das, was sie sagen werden, wie sie sich anschauen werden. Avec la foi naturelle, tu vas toujours avoir peur et tu vas avec de ce que les gens vont dire sur toi ou de toi, tu vas toujours regarder de gauche à droite. So also is that of the sick of palsy. Amen. That's the sick of palsy. You know that faith was so, you know that faith was supernatural faith. The faith that does not care whatever is around it. Oder genau genauso ist es auch mit dem Mann, dessen Freunde, der Gelähmte, dessen Freunde ihn auf das Dach getragen haben. Diese Freunde, denen war es egal, ob sie irgendwelche Kosten bezahlen müssen, ob Leute denken, die sind verrückt, weil die aufs Dach steigen. Die haben es einfach durchgezogen, weil sie geglaubt haben, weil sie übernatürlichen Glauben hatten. On a aussi l'exemple de cet homme qui était qui ne marchait plus et que ses amis l'ont aidé à traverser à travers le toit. Pour que Jésus-Christ puisse les guérir. Eux aussi, ils n'ont pas vu que, ok, ça va beaucoup nous coûter. Eux, ils ont vu seulement le but, et leur but, c'était leur foi. Ils croyaient fortement qu'ils n'ont même pas regardé de gauche à droite. Praise the Lord. Your natural faith can only believe five senses. Your five senses. It can only believe your five senses. Dein natürlicher Glaube angelt sich an deinen fünf Sinnen fest. Parce que notre foi naturelle est toujours accompagnée de nos cinq sens. It is after five senses. Er angelt sich an den fünf Sinnen entlang sozusagen. Il s'accroche toujours à nos cinq sens. Praise the Lord. Amen. Parce que c'est naturel et charnel. Let us quickly see faith, the power of faith, one of the fruit of the Spirit. Die Kraft des Glaubens ist Faith. Eine Frucht des Glaubens ist Glaube. Achso, die Frucht des Geistes ist Glauben. Le fruit de l'esprit, c'est croire, c'est la foi. Praise the Lord. Alleluia. In Matthew 11, verse 12, Jesus said, the kingdom of heaven suffered violence. And the violent take it by force. Matthäus 11, Vers 12 steht, dass dem Königreich Gottes Gewalt angetan wird und die Gewalt reißt es an sich. En Matthieu, on a lu que le royaume des cieux se force un passage avec violence et sont les violents qui s'emparent. There are different types of force. Different types. Es gibt verschiedene Arten von Zwang. Il y a I mean that of Christ. Amen. And that of Satan also have its own force. Mm. Il y a des forces différentes, des violences différentes. In Acts 4:8, the Holy Ghost comes with power. Power, you know, anything power is always with force. Le Saint-Esprit vient avec puissance et tout ce qui vient avec puissance est à faire avec une puissance vient avec violence. Praise the Lord. On va lire Acte 1. En Acte des Apôtres 1. Acte 1. We'll quickly read from 4 to 8. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. A command, you know, once you are born again, they command that you don't sin until you are filled with the Holy Ghost. Before, dass du erst gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. That's after being born again. You don't pray until you are occupied. You are filled with the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. And being assembled together with them, commanded them that. Then commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. The promise of the Father. Verheißung des Vaters. Baptism of the Holy Spirit is the promise of the Father. Amen. il y a des promesses de Jésus, de notre Père, c'est et baptise, les baptise, baptiser de Saint-Esprit, c'est une de ces promesses. For somebody to reject it, it means you are rejecting the promise of the Father. Wenn wir das verweigern, verweigern wir das Versprechen des Vaters. Et quand tu refuses d'être baptisé en Saint, du Saint-Esprit, tu es en train de refuser Amen. Les promesses Amen. Du Père. He said, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost. Not many days hence. No longer with water, but with the Holy Ghost. Ich will mit Wasser und dem Heiligen Geist. Amen. Amen. On va plus être baptisé, pas seulement être baptisé avec de l'eau, mais avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on on y croit? That the Holy Spirit is in you and you are in Him. Everywhere. Est-ce qu'on croit que le Saint-Esprit est en nous et nous en You're sleeping and you're waking up. You wake up with this. No, once you are sleeping, you are in the Holy Ghost. You are waking up, you are in the Holy Ghost. Do we even believe that? Glauben wir, dass wir we believe him, we will im never Heiligen Geist be aufstehen? Be afraid of anything at all. Im Heiligen Geist wandeln? Est-ce qu'on croit vraiment qu'on a le Saint-Esprit et on ne doit pas avoir peur de quelque chose? Amen. Verse 6. When they, therefore, were come together, they asked of him, saying, Lord, withal at this time restore again the kingdom to Israel. And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto all the uttermost part of the earth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Besides, you shall receive power. Gesagt, wir sollen Kraft, wir werden Kraft empfangen. On doit recevoir la puissance. The Holy Ghost comes with power. Der Heilige Geist kommt mit Kraft. Le Saint-Esprit vient avec puissance. The power of faith. Die Kraft des Glaubens. La puissance de la foi. The power of believing Christ. Die Kraft an Christus zu glauben. La puissance de croire en Jésus-Christ. Remember John 6, 13, 26, 28 and 29. Erinnert euch an Johannes 6. Let's go there. Amen. John 6. John 6. Praise the Lord. Amen. The Holy Ghost comes with power. It's some kind of power that is different from the power from the natural power. It's called supernatural power of the Lord. Mit der übernatürlichen Kraft des, des Herrn. Jésus, le Saint-Esprit vient avec la puissance surnaturelle de Dieu. The Bible calls it the power that raised Jesus from the dead. Mm. Nennt es die Kraft, die Jesus von den Toten Amen, Amen. Amen. La Bible l'appelle, c'est la puissance qui a été, qui a ressuscité Jésus-Christ et mort. John 6, c'est la même puissance. 28 and 29. They said unto him, What shall we do that we might work the work of God? Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that you believe on him. The same, you know, John 16, remember John 16, the same thing he said in John 16. Also, gleich was in Johannes 16 gesagt hat. That he calls sin, if you do not believe on him. Was er Sünde nennt, wenn ich Are you betting it? The only sin. La seule, what he calls sin. Das, Jesus, was er Sünde nennt. Que Dieu appelle péché. Are you... On le voit ici. Praise the Lord. Hallelujah. C'est de ne pas croire. This is the work of God that you believe on Him whom He has sent. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Amen. The work of the Father. Die Werke des Vaters. Le travail du Père. Out of, you know, out one, we don't read the promise of the Father. Wir haben gerade das Versprechen des Herrn gelesen. On vient de lire la promesse de Dieu dans l'Acte des Apôtres. Then here talks about the work of the Father. Hier geht's die Werke des Vaters. Et si on lit l'œuvre de Dieu. Promise, then what? Die Versprechen und die Werke. Donc on a lu la promesse et maintenant il s'agit de son œuvre. Praise the Lord. Alléluia. Then Jesus said, "The work of the Father is that you believe Him." Jesus sagt, das Werk des Vaters, believe me, that is the work. La Bible dit que, comme ici, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. It's not going and preaching. It's a believe me. Amen. C'est pas de partir prêcher, c'est de croire. It's not healing the sick. Believe me. C'est pas de guérir les gens gauche à droite, c'est lui croire. Nicht die Kranken heilen, sondern ihm zu glauben. It's not enough, my friend. What? So many things we seek. So viele Sachen suchen wir. He said, believe me. That's the work. Wir sollen einfach glauben, dass das wäre. That the Father said you have to work for him. Il y a une seule œuvre qui nous a dit de faire, un seul travail, un job, c'est de croire en lui. Amen. Amen. Amen. Amen. Verset 29. Amen. Amen. Again, the work of the Father. Das Werk des Herrn. L'œuvre de Dieu. The work of faith. Werk des Glaubens. The work of the Father is the work of faith. Das Werk des Vaters ist das Werk des Glaubens. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la foi. Amen. Amen. Acts 1:4 said the promise of the Father. In Apostelgeschichte ist das Versprechen des Vaters. Dans l'acte des apôtres, c'est la promesse du Père. Verse 8 of it said, you shall receive power to believe Christ. Wir kriegen Kraft, um an Christus zu glauben. Verset 8 nous dit qu'on a besoin de la puissance, on reçoit la puissance pour croire en lui. The power to walk the walk of the Father, which is to believe Christ. Die Kraft, das Werk des Vaters zu tun, nämlich an Christus zu glauben. La puissance de faire l'œuvre de Dieu, et l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Amen. Of faith. C'est la Kraft des Amen. Et c'est la puissance de la foi. Amen. Christ's power is the supernatural power. Die Kraft von Christus ist eine übernatürliche Kraft. La puissance de Dieu, c'est une puissance surnaturelle. What's the time? Okay. 2 Peter, please. C'est écrit dans 2 Pierre. Amen. Amen. 2 Peter 1, verse 3. 2 Pierre 1 à 3. 1 à 3, pardon. It says, according as the divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness. Through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Praise the Lord. Par la puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'investition de sa force. His power is a supernatural power. Seine Kraft ist eine übernatürliche Kraft. Sa puissance est une puissance surnaturelle. Just as his faith is a supernatural faith. Genauso wie sein Glaube ein übernatürlicher Glaube. Tout comme sa foi, c'est aussi une foi surnaturelle. In Christ's world, there is God kind of faith. In der Welt von Christus gibt es Gottes Glauben. Dans le monde de Jésus-Christ, il y a la manière. As well as God kind of force. Genauso wie Gottes Zwang. Il y a aussi la même une autre manière de. And God kind of action. Look at this three things. Et aussi la manière de Jésus, force, le Dieu de action. Then action. These three, they go together. Glauben, Zwang und Handeln. Foi, action. They are coming from Christ. Et violence. Amen. Ça vient de Jésus-Christ. Diese drei kommen von Christus. If you really believe, you will be forced to do something. Wenn du wirklich there's glaubst, gibt es einen Zwang, danach zu handeln. Si tu crois vraiment en Jésus-Christ, tu vas faire violence, tu auras une force pour croire. In Romans 10, it says, faith cometh by hearing, and hearing by Christ's word. In Römer 10 lesen wir, dass der Glaube kommt durch das Hören, und das, indem wir Gottes Wort hören. En Romains 3, il est écrit que la foi, ça vient à travers écouter la parole de Jésus, de Dieu lui-même. Faith in force come from faith. Der Zwang kommt aus dem Glauben. Cette violence là, ça vient. If you believe, you will. De la foi. There is the force that moves. Wenn du glaubst, wirst du. There is force. If you really believe that, there is force inside faith that moves you. That you can't, you see nowhere. Es gibt Zwang im Glauben, wenn du nicht sehen kannst. Dans ta foi, dans la foi qu'on a, il y a une puissance, il y a une violence qui va nous aider vraiment à croire. James 2, let us go to James 2. Jacobus 2. On va lire à Jacques 2. Amen. We have this force in different ways. We reveal it to me in different ways. This is one of it. On Wednesday, by God's grace, we will be going to another one. If we can finish this today, but I'm sure we will. Jacobus 2. James 2. Der Kurs 2. James 2. Yes, James. I can maybe explain the 2 Peter 1:3 again or later. 2 Peter. What you said just now, I didn't really get it. Okay. Praise the Lord. Amen. We'll go there later, Shem. Okay. Don't forget, eh? Jacques 2, Jakobus 2. James 2. Jakobus 2. From verse 14. 14. Verse 14. He said, what doth it profit, my brethren? Though a man say, he have faith, and I have not works. Can faith save you? Can faith save him without work? Mes frères et sœurs, à quoi servira-t-il quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne montre pas ses actes? Une telle foi peut-elle te sauver? There is the force of faith. Es gibt den Zwang im Glauben, Zwang des Glaubens. Il y a une violence de croire de la foi. Inside faith is the power of force. Im Glauben ist diese Kraft des Zwangs. Dans la foi, il y a la puissance de la foi. And that is why if you believe enough, you will be forced to do something. Deswegen, wenn du genug glaubst, wirst du gezwungen sein, dich zu bewegen. Wenn du genug glaubst, wirst du gezwungen sein, dich zu bewegen. Si toi tu crois, tu as vraiment une bonne foi, tu seras forcé de marcher. Tu ne vas pas dire fire here. Obligé. Wenn ich sage, es brennt hier drin. If I say there's fire here, if you believe enough, you will run out. Wenn du was wirklich glaubst, wirst du wegrennen. Si moi je vous dis qu'il y a un feu, il y a un incendie, si toi tu seras, forcé à bouger. There's no force. Aber wenn du das nicht glaubst, was ich sage, dann wirst du einfach sitzen bleiben und mich anstarren, weil da ist kein Zwang hinter. Mais si tu me crois pas, malgré je le dis, tu vas pas te bouger, tu vas pas courir. There is force behind faith. Es gibt einen Zwang hinter dem Glauben. Il y a toujours une obligation derrière cette foi qu'on a. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then let me quickly continue a little bit and see. It's praise the Lord. Hallelujah. You know, I use something here that I just use. You know, I use something to explain that if I say there's fire here. If you believe enough, you will move. The faith of you that you believe, there's power in it that will move you to jump and run out. In diesem Glauben ist diese Kraft des Zwanges, die dich dazu bewegt, sich zu handeln. Und dann rennst du, wenn es ein Feuer ist, beispielsweise. Quand il y a, par exemple, un incendie ici, tu seras obligé de courir d'ici quand tu crois qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler ici. Et c'est comme ça avec la foi. You know, when you choose, if you reject parents and choose Jesus Christ, your choosing Christ is actually is not coming from you. That faith you have in Jesus, there is force in it that forces you to choose him. Wenn du dich für Jesus entscheidest und dadurch dich gegen deine weltliche Familie stellst, gegen deine Eltern stellst, ist da ein Zwang hinter, der dich dazu antreibt, so radikale Schlussstriche zu ziehen. Si vraiment tu crois à l'idée de Jésus-Christ, tu crois vraiment, tu as la foi de ça, que son royaume existe, tu auras vraiment une obligation à lui suivre vraiment comme elle se doit. Tu seras capable à laisser tout derrière toi, ta famille, ce que tu es en train de faire, tes désirs pour lui suivre parce que tu sais qu'il est réellement là. Praise the Lord. Alléluia. I will come here again. Amen. Inside faith is the power of force. Im Glauben ist die Kraft des Zwangs. Dans, Dans la foi, il y a la puissance de croire. In authority, in power, there is also the power of force. In Autorität und Kraft ist auch die Kraft des Glaubens. Dans l'autorité, Kraft des Zwangs. In Autorität und Glauben ist auch die Kraft des Zwangs. In authority and in power, there is also the force. Dans l'autorité, the power of force. Dans l'autorité et dans la foi, il y a aussi une puissance de cette violence de la force. Jesus said in Matthew 11, verse 2, he said, the radical take it by force. Those that believe, they take it by force. Die, die glauben, they move by force. Sie bewegen sich durch Zwang. La Bible dit en Matthieu que ceux qui ont la foi sont en train de, ils prennent tout par violence. Ils agissent par la violence. There is force in that faith that moves them. That force is not natural force. Und dieser Zwang ist nicht ein natürlicher Zwang. Es ist Gottes Zwang. Cette violence qui se manifeste en genre. Are you getting it? Ça vient à travers cette foi. He said the radical take it by force. Die Radikalen nehmen es. Those in faith, they move. No faith, that faith. There's the power of force in that face that moved them, that they get it. You know, that is why they are blind to all five senses. They cannot see those things. Deswegen sind sie blind für die fünf Sinne. Sie sehen das nicht und lassen sich davon nicht manipulieren oder beeinflussen. Les gens radicaux, ils ont ils prennent tout par violence et cette violence là, ça leur donne une obligation de marcher vers Jésus-Christ et c'est pour cela et cette obligation là, ça leur donne aussi la force d'être aveugle pour les histoires naturelles, les cinq sens, les problèmes. You cannot be radical and not have the power of force. Du kannst nicht radikal sein und nicht die Kraft des Zwangs haben. Tu peux pas être radical et ne pas avoir la puissance de cette violence, de cette force. The natural world. Amen. Même dans le monde naturel. And that's why people are afraid of people that are radical. Deswegen haben Menschen Angst vor Radikalen. There's always the power of force. Denn da ist immer die Kraft des Zwangs dabei. Et c'est pour cela les gens ont peur de gens qui sont violents dans le royaume des cieux parce qu'ils n'aiment pas cette force ou cette puissance, cette violence que les gens essayent de. Hein, les gens qui sont radicaux, ils ont toujours violence. Radical and false, they go together. They are together. Radical to believe Jesus and never, you know, you believe him. You tell Satan you are a liar. You are a loser. You know your action might not be. It's not. You know your words are action. You're speaking to things. You are acting. You are there's a false. You don't. You know when you are talking to Satan, you don't talk. It's just. You know, you command. A command comes with force. Und in deinen Worten handelst du nicht mit deinen Fäusten oder mit deinen Waffen, physischen Waffen, sondern mit deinen Worten handelst du und verweigerst du den Satan. Und das nicht mit schönen Worten, sondern das mit einem Befehl, wie das ist ja Satan. Quand tu es dans la foi, par exemple, quand tu es dans la foi, tu parles avec autorité, par exemple. Tu, même quand tu parles contre le diable, tu dis ça, ah, cher Satan, tu dis pas ça. Tu parles avec violence, tu lui commandes avec autorité, avec force, avec violence. Et c'est ça qu'on doit comprendre. La foi, là, c'est toujours accompagné avec une certaine violence, autorité. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, no, just want to. We always want to see force as evil. Wir wollen aber leider immer Zwang als etwas Böses sehen. Les gens sont malheureusement habitués à voir cette violence comme quelque chose de mal. Alles, was mit Zwang zu tun hat, ist böse. Tout ce qui a à faire avec violence, c'est quelque chose de mal. There is time to force. Es gibt eine Zeit für Zwang. Mais il y a un temps pour manifester cette violence. Praise the Lord. Alleluia. Parents are to force their children to follow Christ, not under law, but under grace. Eltern sollten ihre Kinder zwingen, Christus zu folgen, aber nicht im Gesetz, sondern der Gnade. Même les parents doivent faire violence, à faire comprendre les pousser leurs enfants vers Jésus-Christ, pas par loi, mais à travers l'amour. Under law, those children will be destroyed. Unter dem Under Gesetz, grace, the Holy Spirit will be there to help the children. Unter dem Gesetz, die Kinder zu zwingen, wird die Kinder zerstören. Aber unter der Gnade, die Kinder zu Because zwingen, children only wird sie understand retten. The language of force. Weil Kinder nur diese Sprache des Zwangs verstehen. Parce que quand tu commences à faire violence, command, you command them, you let them enfants, know. Par la loi, ils seront pourris, ils auront des problèmes terribles. Mais quand tu commences à faire à leur faire comprendre par violence de la grâce de Dieu, eux ils vont être droits parce que les enfants eux ils comprennent toujours par violence. Mais il faut comprendre quelle violence tu dois utiliser de Dieu ou du diable. You don't just leave them to do whatever they want to do. To no, the Torah chooses Satan. Parce que celui de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui commence à agir. Mais celui de ce monde, le Saint-Esprit n'est pas involvé. Du befehlst sie, zu wissen, dass sie nicht ihr eigener Retter sind, dass du nicht ihr Retter bist, sondern Jesus Christus ihr Retter ist und dass es einen Feind gibt, einen Teufel gibt, der sie tot sehen möchte, aber dass es Jesus Christus gibt, der das Leben ist. Mm-hmm. Du machst ihnen diese Tatsachen klar, mm-hmm. genauso wie du ihnen klar machst, dass Feuer verbrennt und dass Eis kalt ist. Das sind offensichtliche Dinge und die machst du ihm klar. Donc avec cette violence, tu essayes vraiment de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas avoir peur de toi, ils doivent avoir peur de Jésus-Christ, de Dieu. Tu dois leur faire comprendre qu'il y a le mal, il y a Dieu, il y a le diable et il y a chaque action qu'ils sont en train de faire seront suivies par conséquence. Donc des histoires comme ça, le royaume des cieux, tu essayes de leur faire comprendre, mais par violence, par force, pour qu'ils puissent comprendre la grandeur de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit, à travers, il commence à agir. You know, grandparents, they spoil children so much. They spoil their grandchildren so much. Großeltern verhätscheln oft ihre Enkel. Les grands-parents, par exemple, ces jours-ci, sont en train de détruire leur petits-fils. Amen. And that's why, you know, people take their children to their mother. It's their business. I don't have anything with that. You know, well, praise the Lord. Und Leute geben ihre Kindern ihren Eltern. They take their children to their parents that don't even know Christ. That don't for them is not Christ is not number one. They are not going to reveal Christ to that child. But it's going to be death. And you know, it's Christ or Satan. You cannot have number three. Und diese They want to have number three. It's not possible. He says, spare the rod, you spare the child. Und diese Großeltern werden dem Kind nur das weitergeben. Die Großeltern werden dem Kind nur das weitergeben, was sie haben, und sie werden das Kind so damit, das Kind sozusagen damit. I wonder why children they take gun and kill their grandmother. Beeinflussen, aber auch dafür sorgen, dass das Kind halt verzogen wird. Ist es verzogen? Verzogen wird, weil diese Großeltern diesen Kindern nicht Jesus Christus weitergeben, nicht die Wahrheit weitergeben und sozusagen diesen Stock, also wir gucken uns den Bibelvers genau an, weil ich will das nicht falsch Praise the Lord. Lesen. Proverb 13, Vers 24. On va lire Proverb 13, Vers 13. Sprüche 13. He that spareth his rod hateth his son. But he that loveth him shall strengthen him. Big times. Are you getting it? Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber liebt hat, der züchtigt ihn beizeiten. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrige de bonne heure. Baby. Und wir sorgen dafür, dass unsere Kinder sozusagen verzogen werden, weil wir sie immer als kleine Babys sehen und wissen gar nicht, was wir ihnen damit antun. Are you getting it? Mm-hmm. You know, a tree, when a tree is coming, it's when it is young that you can bend it, if you can straighten it, if it is bent. If it is already a tree, you can't do nothing. You know, they just leave them. You know, children are not to take their own decision. You understand me? Kinder sollten nicht ihre eigene Entscheidung treffen und wir müssen. What do they know? Weil sie eben diese Sachen nicht wissen. Die wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Deswegen müssen wir ihnen helfen, they don't live there. Die have Wahrheit the right zu erkennen. They have the right to do that. They have the right to do that. Les enfants veulent toujours faire ce qu'ils veulent faire. Et il faut jamais les laisser faire. Il faut toujours les emmener vers Jésus-Christ et les aider à retrouver le droit chemin. Amen. Amen. It is forcing under grace and not under law. Der Gnade zwingen wir sie dazu. Don't misquote me. Bitte zitiert mich nicht falsch. Amen. Amen. It's forcing under grace. In der Gnade. And not under law. Under law is death, is destruction. Denn im Gesetz ist es, führt es zu Tod und Zerstörung. If, for example, pastor's children. Und das forcer dans la grâce et pas dans la loi. Il faut vraiment le comprendre la différence quand tu es en train d'élever les enfants. Tu dois, frère, comprendre que ça se passe pas par la loi, mais dans la grâce. Und das beste Beispiel sehen wir heutzutage bei Pastorenkindern, dass diese Kinder don't look at their children sehr oft under law. So the force is under law. C'est ce qui se passe dans ces jours ici avec les enfants des pasteurs, par exemple. Ils sont toujours. And those children, they are not for Christ. Ces enfants sont toujours éduqués par la loi, par exemple. C'est pour cela qu'ils ont du mal. Ils sont mal éduqués à la fin. Ils sont en train d'utiliser l'hypocrisme parce que ils font tous, leurs parents les apprennent tous par la loi et pas par la grâce. Weil diese Kinder leben und funktionieren nur für ihre Eltern, damit ihre Eltern nichts sagen und nichts zu bemängeln haben. Sie leben durch den Heiligen Geist. Amen. And not the fear of the Lord. Sie haben nicht die Furcht vor Gott, die der Anfang der Weisheit ist. Sie haben die Furcht vor ihren Eltern und das ist der Anfang von Ungehorsam. Und, verloren gehen. Parce que ces enfants-là sont en train de faire, ils sont en train d'éviter de faire des histoires mauvaises. Ils disent, oh, parce que mon père est pasteur, j'ai peur de mon père. Mais il faut pas le faire parce que Jésus-Christ est ton père et tu dois avoir peur de Jésus-Christ, avoir respect pour lui. Et ils ont focalisé leurs enfants toujours sur eux, que leurs enfants voient toujours les parents, et un jour, le midi, ils se disent, ah, mes parents d'ailleurs, pas Tinaté. Mais quand tu leur fais voir toujours Dieu et Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est là à leur conduire. Wir dürfen halt nicht zulassen, dass der Frieden des Teufels in einer Familie regiert. Wir müssen das verweigern. On doit vraiment éviter et détruire la paix, la paix du diable dans des familles. Parce que la paix du diable, c'est la mort. Amen. Amen. Und das wird vielen Leuten nicht passen, weil viel. Those that will not welcome Christ, you take your children there. Kostbar. Wir können unsere Kinder nicht an Menschen geben oder anvertrauen, die nicht an Jesus Christus, nicht den wahrhaftigen Jesus Christus haben. On peut pas aussi laisser nos enfants aux gens qui n'ont pas Jésus Christ. Und damit zeigt sich, dass eben ihr bläst, dass die Liebe der Welt in dieser Familie regiert, aber nicht die Liebe von Christus. Tu dis que, die par exemple, les gens disent que oh, je dors chez la grand-mère ou chez la tante parce que c'est ma tante, parce que c'est la grand-mère, malgré non pas Jésus-Christ, pour maintenir cette paix dans la famille. Malgré mais cette paix-là, ça vient pas de Dieu parce que tu donnes tes enfants à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime même pas Dieu. Et là, c'est seulement pour maintenir la paix de ce monde, la paix du diable. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit détruire. You take them to, you take the, your children to them. You know, they are going to teach your children what man call good things. Mm-hmm. And not what Christ call good. Mm-hmm. I look at him. Yeah, no, it's not about Christ, it's what man call good things. And it's death and destruction. Ihnen das beibringen, was diese Welt für gut heißt und was die Welt für schlecht heißt. Sie werden ihre Weisheit auf die Kinder projizieren und weitergeben. Parce que si tu emmènes ton enfant, par exemple, chez quelqu'un, ou bien grand-mère, ou bien tante, qui connaît seulement, comment dire, ce monde, qui ne connaît pas Jésus-Christ, la personne va donner à ton enfant seulement ce qu'il a, et c'est le bien de ce monde. Et le bien de ce monde, ce n'est pas forcément le bien de Jésus-Christ. Et puis après, on aura un problème quand on rentre à la maison. Ton enfant a une mentalité de ce monde. Et toi, étant un enfant de Dieu, tu ne comprends pas. Ah, depuis quand? Mais quand tu étais parti le laisser là-bas, tu ne savais pas? I've made a lot of mistakes in the past. Ich habe in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. And I don't want you, the children, to make it. Und ich will nicht, dass die Kinder diese Fehler auch machen. Moi, au passé, j'ai fait beaucoup des fautes. J'ai beaucoup des gaffes. Des erreurs, pardon. J'ai fait beaucoup des erreurs et ces erreurs là, je ne veux pas que vous aussi vous les faisiez. It will be so bad that the same mistake you are making it. Ça sera vraiment triste si vous faisiez les mêmes erreurs que moi j'ai fait. If I don't know the truth, there is mercy. If I know the truth, yes, it's another thing entirely. Are you getting it? Wenn ich die Wahrheit nicht kenne, da gibt es Barmherzigkeit. Aber wenn ich die Wahrheit kenne und es dennoch tue, das ist wieder was anderes. Mm-hmm. Quand tu, par exemple, quand tu ne connais pas la vérité, il y a encore cette pitié de Dieu. Mais si tu connais la vérité, là, tu as un problème parce que... Oui. For me, I will take it by violence. I'm telling you, by force, I will take it by force. You know, if my mother is like some of your mother, I will not even allow my children to go there. Und ich werde I'm telling you, Zwang tun, if you refuse to choose Jesus Christ and believe in Christ, I know them. And you know, you can hide it, it's your business. But let me just tell you the truth. That is the violence, take it by force. I don't know if you are getting it. And you know that you can stand your ground and say, my child will not go there. Why? Because that place does not belong to Christ. I mean, that's the violent taking it by force. Radikal zu sein bedeutet, so dass radikal. Du ganz klar sagen kannst, nein, mein Kind geht nicht dahin, weil da dieser Ort ist nicht für oder von Christus. Deswegen werde ich nicht mein Kind dahin schicken, auch wenn es für mich bequemer ist, es zu tun. Quand tu as la vérité, par exemple, quand tu fais par exemple, quand j'ai un enfant, si je suis vraiment radicale en Jésus-Christ, je suis capable à dire non, malgré c'est ma mère, mais vu que ma mère refuse Jésus-Christ, ne veut pas comprendre que Jésus-Christ est le seul vrai bon Dieu, je ne veux pas laisser mon enfant partir là-bas parce que c'est une place qui n'a pas la présence de Jésus-Christ, malgré c'est ta mère. Ça, c'est être radical. Und wären meine Eltern so wie einige von euren Eltern, würde ich meine Kinder niemals dahin schicken. Et si mes parents étaient comme... I stand by Jesus. Ich stehe bei Jesus und das in allen Bereichen. Si mes parents étaient comme un de vos parents, je veux jamais laisser mes enfants là-bas parce que moi, je suis de la part de Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas pour Jésus-Christ, moi, je suis aussi contre eux. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. The kingdom of heaven suffered violence. Dem Königreich Gottes wird Gewalt angetan und die Gewalt reißt es an sich. Amen. Amen. Le royaume des cieux, il y a beaucoup de violence dedans et ceux qui sont violents, c'est eux qui sont capables à le reprendre. You choose Christ. Durch deine Entscheidungen, in denen du immer wieder Christus wählst. À travers tes choix. Toujours quand tu te décides de choisir Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, there's nothing you can do about school. Es gibt nichts, was du tun kannst gegen Schule. Amen. They have to go to school. Die Kinder müssen zur Schule gehen irgendwann. Amen. Tu peux pas rien faire contre l'école. Ils doivent partir à l'école, les enfants. Amen. Amen. But there's something you can do with others. Aber es gibt andere Sachen, die kannst du beeinflussen. Amen. Il y a quelque chose. I say no. Du kannst nein sagen. Mais autre milieu, c'est toi-même qui peut dire oui ou non. You know, I heard somebody said, my children will not go to kindergarten, but this person's children, they go to neighbor to play. They go to their brother's children to play with them. Those won't go to kindergarten, and they'll come home. Kindergarten, they will, you know, the kindergarten, you don't go to kindergarten, but kindergarten will come to you at home. It is that those children, let them understand, let them know that Christ is Christ. You know, if you can there are places you cannot allow it. There are some places that you say yes. Es gibt Orte, an die du, da hast du keinen Einfluss drauf, weil es einfach so vorgegeben ist vom Staat, dass diese Kinder dorthin müssen. Aber es gibt Orte, da kannst du es beeinflussen und da kannst du entscheiden, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und das heißt wiederum nicht, dass wir unsere Kinder verstecken sollen vor der Welt sozusagen. It's not saying hide them from them. Aber wir müssen. But you are to protect, you know, you know, if you do not protect children, if you do not, you know, for somebody. I don't know. Il y a des places, par exemple. I don't know if I'm able to go there. Il y a des gens qui disent que je veux pas que mes enfants puissent partir à la crèche, par exemple. mais il laisse que les enfants puissent jouer avec des inconnus ou bien des voisins. Et là, tu vas comprendre que tu n'emmènes pas tes enfants là-bas, mais la crèche vient chez toi à la maison. Et il y a des places où tu ne peux pas éviter que tes enfants puissent partir. Mais il y a des places où tu peux prendre décision et toi-même trier et décider où ils vont partir ou pas à travers Jésus-Christ. There are a lot of things happening outside. Es gibt viele Dinge, die da draußen passieren. Il y a beaucoup des histoires qui se passent dehors. Yeah, no, I said it before. The lady, the son was taken. They took the son to an auntie to be taken care of once in a week or so. And that child now was not having a what do you call it HIV positive. The child was sick, became sick, and was having and the parents don't have it. They were surprised. When this child became sick, they took this child to the hospital. That and then found out that it's HIV positive. Where is he coming from? They now discover that it's the family they take the uncle or the brother, one of their family that they take the child to take care of. It's from there the child got it. So you know, I don't even know if it is not Christ. Why should you even choose it? Yeah. If you are doing anything for Christ's sake, it's. If they choose Christ, if it is because they choose Christ, that is why you are there for them, with them. It's different from a flesh. You are there because it's a mother, it's a grandmother, it's a grandfather, it's a grandis, you know. That is flesh and it's death. Und, you don't even know what you are joking, you are playing with. Und leider verstehen wir die Ernsthaftigkeit dieses Themas erst, wenn große Sachen passieren, weltlich große Sachen. Wie zum Beispiel, dass jemand sein Kind bei seiner Familie abgegeben hat, bei einem Teil seiner Familie. Und dieses Kind hatte dann auf einmal HIV. Und man hat sich gefragt, hey, die Eltern haben kein HIV, wer hat dieses Kind HIV bekommen? Und das Kind hat es bekommen durch die Leute, die Familienanteile, die auf dieses Kind aufgepasst haben. Durch irgendeinen Onkel, durch irgendeine Tante ist das dann passiert. Und leider werden wir erst wach bei so welchen Beispielen. Oder erst da sagen wir, oh mein Gott. Aber wenn es dann um die Wahrheit geht, das ist in Ordnung für uns, wenn Leute einfach nur nicht die Wahrheit haben oder wenn Leute einfach nur einen falschen Jesus Christus haben. Das ist nicht so schlimm, wenn wir unsere Kinder dahin bringen. Aber das ist sogar schlimmer, weil es ist immer noch der Teufel, der Kopf von diesen Sachen ist. Der Teufel ist der Kopf von einer Sache, wo es um diese Misshandlung geht, aber der Teufel ist auch der Kopf, wenn es um einen falschen Jesus Christus geht. Und wir wollen nicht Teil sein von sowas. Maman a donné aussi un exemple d'une famille qu'elle a connue. Et cette famille-là, ils avaient un enfant. Et l'enfant, ils ont toujours déposé chez un oncle. Une fois, ils ont remarqué que l'enfant était qui avait le sida. Le sida. Cet enfant-là avait le sida. Ils sont partis à l'hôpital. Les parents n'ont pas le sida. Et ils ont compris qu'elle a eu le sida à travers un de ses oncles où ils laissaient l'enfant. Et c'est pour cela, et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui aussi. On laisse nos enfants dans des mains, dans des personnes parce qu'ils sont nos parents, ils sont nos oncles, ou bien ils sont nos frères et sœurs, mais ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Hein? Et c'est le diable qui est toujours la principale de leur tête, dans leur famille. Et là, on laisse nos enfants. On n'est même pas sérieux nous-mêmes. C'est la même chose que cette famille avec cet exemple du sida. Praise the Lord. Hallelujah. You know, there was a family. Praise the Lord. Hallelujah. There's a family. You know, there's they never, no, their children, they left them. Children come, they have friends, you know, they can choose. They don't need to, we don't need to tell them to go with us to church. So will you go? The child would say, no, I'm not going. Okay, good. You can stay at home. They just go. And if you the life of these children, you understand? So these children, you know, people started training them outside. If you train your child and allow that child to be a child of Christ, the Holy Spirit have his job. You have your job. Your job is to, I'm coming here. Your job is to help them to know Christ. Choose, help them to choose. You choose for them. People have children as an excuse today to disobey God. To say, the children are too many, I cannot even go to the house of God. You have it as, But say, you know, Satan loved that excuse. Let's give it to. Let us close for today. Then we start on Wednesday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Und es ist klar, wenn wir die Dinge, wenn wir Kindererziehung fleischlich angehen und nicht durch die Leitung des Heiligen Geistes, werden wir entweder in ein Extrem übergehen, dass wir, indem wir unsere Kinder im Gesetz zwingen zu Dingen, oder dass wir anfangen, wie diese Welt, unsere Kinder einfach frei loslaufen zu lassen. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Was? Ihr wollt heute nicht zur Gemeinde gehen? Kein Problem, dann bleiben wir zu Hause heute. Nein, dann wirst du auf diesem Modus deine Kinder erziehen. Und deswegen diese goldene Mitte kann dir nur der Heilige Geist offenbaren. Da kann nur der Heilige Geist wirken. Und deswegen brauchen wir die Leitung des Heiligen Geistes auch in diesem Thema und dürfen uns halt nicht von der Welt da manipulieren oder uns irgendwelche Systeme oder Methoden einreden lassen. On doit vraiment laisser que le Saint-Esprit nous guide à ce qui s'agit de d'élever nos enfants, parce que tu peux vouloir faire avec Dieu, mais si tu fais pas avec le Saint-Esprit, tu vas partir de un extrême à l'autre. Donc tu vas commencer à être un peu plus très sévère ou bien à être un peu plus à trop laisser, mais le Saint-Esprit, lui, il est la seule personne qui sait le milieu de tous ces deux côtés. Et il faut vraiment laisser le Saint-Esprit agir. You know, I want to go there. I don't worship on those that reject Christ. And call Christ, you know, the truth lies. What is the difference? Und einige Leute würden sagen, okay, zu Satanisten oder zu anderen Leuten, die andere Religion haben, würde ich mein Kind niemals hinschicken. Zu Leuten, die den Satan ganz klar folgen, oder Leute, die eine andere Religion, die eine Religion haben, wie Buddhismus oder sonstiges, würde ich meine Kinder niemals schicken. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass Unglauben ist genauso wie Hexerei. Das heißt, Leute, die einem falschen Jesus Christus dienen, Leute, die die Wahrheit nicht akzeptieren wollen von Jesus Christus, sind genauso. Und sollst du deine Kinder halt auch nicht schicken. Was ist der Unterschied? Il y a aussi les gens qui sont en train de dire que oui, je ne veux jamais laisser mes enfants partir chez les bouddhistes ou les musulmans parce qu'ils ont un autre Dieu. Mais tu choisis de partir, de leur emmener dans une famille chez les blancs qui sont athéistes, par exemple. Où est la différence? Parce que oui, même s'ils ont une autre religion, même s'ils sont par exemple athéistes, ils ont le même père et c'est le diable. Il n'y a pas de différence.